Donc, je présente rapidement Isabelle Claire, elle est sociologue, elle est chargée de recherche au CNRS, à l'IRIS. Et ses recherches portent principalement sur l'entrée dans la sexualité des jeunes de différents milieux sociaux, de classes populaires et aussi de jeunes de la bourgeoisie. Alors, elle a fait des recherches sur ces sujets à partir de démarches ethnographiques sur trois terrains distincts. Tout d'abord, des cités d'habitat social de la banlieue parisienne. Ensuite, le milieu rural et puis actuellement donc des quartiers bourgeois parisiens. Et actuellement, elle prépare un livre qui propose, si j'ai bien compris, une comparaison de ces trois terrains, toujours sur le même sujet. Comparaison qui pose donc très directement les questions de l'imbrication, de l'intersection, hein, des rapports sociaux, de classe, de sexe et de race, hein, puisque... Eh bien, il y a différents types de mouvements, de groupes sociaux là, qui sont concernés par quelque chose qui relève donc de l'entrée dans la sexualité et dans certains des groupes sociaux populaires, il y en a qui sont fortement racisés. Donc c'est donc à partir d'un travail en cours que tu vas proposer une réflexion plus générale, plus méthodologique sur l'intersectionnalité. Donc le titre, je le rappelle, c'est l'intersectionnalité contre la classe sociale avec un point d'interrogation. Pour finir cette présentation, donc je mentionne quelques publications. Je vais me contenter de mentionner les deux livres publiés et trois articles qui illustrent les différentes dimensions du travail d'Isabelle. Donc deux livres, tout d'abord « Les jeunes et l'amour dans la cité ». Donc comment ? Les cités. Dans les cités. Donc voilà, j'ai mal recopié. Armand Collin, 2008. Deuxième livre, La sociologie du genre, en 2008, dans la collection 128, c'est l'éditeur, Armand Collin aussi, d'accord. Et donc, c'est Duno, non ? Duno, d'accord. Donc, parmi les différents articles, bon, j'en mentionne trois récents. Hein. Tout d'abord, S'insulter entre filles, ethnographie d'une pratique polysémique en milieu populaire et rural dans Terrain et Travaux. Donc c'est un article que je pense qui pourrait intéresser dans notre équipe, à Sophia Paul, tous ceux qui ont suivi les recherches qui se sont développées sur les questions de reconnaissance sociale et d'estime sociale, puisque c'est très directement ces questions qui sont évoquées qui sont travaillées dans cet article. Et je mentionne deux autres articles qui relève de l'épistémologie des sciences sociales, donc un autre centre d'intérêt de notre équipe, hein, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le travail d'Isabelle Claire, peut-être qu'ils seraient intéressés à regarder ces deux articles qui sont parus en 2016 dans deux revues importantes de la discipline sociologique. Hein. Tout d'abord, Faire du terrain en féministe dans les actes de la recherche en sciences sociales, hein, en 2016, dans le numéro 213. Et puis, d'autre part, La sexualité dans la relation d'enquête, décryptage d'un tabou méthodologique, paru donc, toujours en 2016 dans la Revue française de sociologie, volume 57, numéro 1. Voilà, donc Isabelle, tu as la parole pour environ une heure, et puis ensuite, ça nous laissera un bon temps de discussion, une demi-heure, trois quarts d'heure, on verra. D'accord. Ben merci beaucoup pour cette présentation, merci de votre invitation. Alors juste pour pas créer trop de déceptions, je vais pas tellement parler de mes terrains, mais plutôt discuter plus généralement d'un non-débat latent, l'intersectionnalité contre la classe sociale. Donc en France, le mot intersectionnalité est arrivé par des études de genre, lorsque l'article de la juriste africaine-américaine Kimberly Crenshaw, « Mapping the Margins », initialement paru en 1989, a été traduit en français sous le titre « Cartographie des marges, intersectionnalité, politique de l'identité et violence contre les femmes de couleur ». Donc cette publication en français date de 2005, soit 16 ans après la publication originale. Elle a pris place dans un dossier des cahiers du genre, coordonné par Eleni Varicas et Léonore Lépinard, qui sont deux auteurs de référence sur le sujet en France, aux côtés d'Elsa Dorlin, qui a publié un papier dans le même dossier. Toutes trois théoriciennes féministes du politique étaient parmi les rares à mobiliser ce concept avant la traduction qu'elles ont rendue possible. à partir de cette traduction, le terme s'est réellement diffusé, c'est très net dans les bibliographies des publications académiques. En France, il y a un avant et un après 2005-2006. La diffusion s'est réalisée d'abord seulement au sein des études de genre, puis au-delà. Mais si le terme semble désormais être entré dans le lexique commun des sciences sociales françaises, il n'est en réalité que prononcé du bout des lèvres en dehors des études de genre. Une recherche sur Scopus, je ne sais pas si vous voyez, c'est une base de données bibliographiques, montre qu'en langue française, le terme est mobilisé quasi exclusivement dans des articles publiés dans l'espace éditorial des revues féministes. Et quand il apparaît dans des articles publiés dans des revues dites généralistes, en fait, ce sont des articles qui sont signés par des spécialistes du genre. Donc ça signifie que les autres chercheurs, et notamment les spécialistes des classes sociales en dehors des études de genre, en tout cas en sciences sociales, en parlent désormais, savent depuis moins de 10 ans, voire plutôt moins de 5 ans que le mot existe, mais ne le nomment généralement pas à l'écrit ou le font sans le référencer. Et c'est là un indicateur de la réticence à s'approprier l'intersectionnalité, ainsi que de sa permanence dans les frontières des études de genre, sans réelle dissémination au-delà, en tout cas, pas tellement autrement que par Ouidia. En effet, alors que la critique intersectionnelle est apparue à l'adresse notamment des féministes et des études féministes états-uniennes concernant leur non-prise en compte des rapports de pouvoir au sein du groupe des femmes, et donc d'une non-prise en compte dans l'analyse d'une pluralité d'oppression, l'intersectionnalité est généralement comprise dans les sciences sociales extérieures aux études de genre, en tout cas en France, comme une menace pour l'analyse en termes de classe sociale. Alors ça peut sembler à première vue paradoxal, puisque... Si l'intersectionnalité, en tout cas telle qu'elle a été formulée aux États-Unis, met d'abord la race au cœur de sa critique, historiquement, mais aussi quand même théoriquement, elle invoque fortement la classe sociale comme l'un des axes de domination qui ne doit pas être oublié, comme en témoigne le fameux triptyque genre-classe-race. Mais le paradoxe n'est qu'apparent. Conçu dans le mouvement social, puis étendu dans l'espace académique, institutionnalisé au croisement des études de genre et des race studies, selon une épistémologie dite du point de vue situé, du standpoint, en fait, l'intersectionnalité a presque tout pour déplaire aux chercheurs en sciences sociales français qui travaillent à la mise au jour des rapports de classe en dehors des études de genre. Parce qu'elle vient d'un champ d'études qui reste quand même largement marginal en France, parce qu'elle est américaine, parce qu'elle dit à des spécialistes des rapports sociaux qu'ils sont aveugles à des pans entiers des phénomènes de domination, parce qu'elle attribue cette cécité non seulement à leur position sociale, mais plus encore à leur propre expérience de la domination, elle-même définie en dehors de la seule classe sociale, parce qu'elle promeut une épistémologie jugée non scientifique, voire anti-scientifique, du fait qu'elle est contaminée par des objectifs politiques explicites, parce qu'elle dérange les routines théoriques, parce qu'elle entre en concurrence avec des concepts et des approches qui sont en partie pensés comme des fiertés nationales par leurs usagers, qu'il s'agisse des spécialistes des classes sociales, mais aussi de pas mal de féministes françaises d'ailleurs. Alors l'intersectionnalité, pour moi, c'est pas un objet. Enfin, Emmanuel vous a dit un peu sur quoi je travaille, mais c'est un cadre d'analyse pour interpréter mes matériaux d'enquête, et un garde-fou aussi, théorique et méthodologique, qui me semble aujourd'hui le plus à même de renouveler à la fois la sociologie du genre et la sociologie en général, en tout cas une des choses intéressantes qui se passent dans ma discipline. Mon intérêt pour les réticences larvées que suscite l'intersectionnalité tient au fait que le débat sur la pertinence théorique et méthodologique de l'intersectionnalité pour les sciences sociales n'a rien, en réalité pas vraiment lieu. Il reste cantonné au sein des études de genre, ou bien le plus souvent se déploie de manière allusive, en tout cas en sociologie c'est comme ça que ça se passe, dans l'oralité des discussions informelles, des échanges au sein de comités de revue ou des colloques, plus récemment sur des blogs et sur les réseaux sociaux. Et pourtant, les points d'achoppement de ce non-débat se manifestent inlassablement et presque toujours selon les mêmes types d'arguments. Alors pour en avoir une idée, je vous invite à lire notamment un texte que Gérard Moiriel a publié il y a un mois sur le blog qui accompagne la sortie de son Histoire populaire de la France. Donc c'est un papier qui s'intitule « Réflexion sur la gauche identitaire » et qui est très informatif à la fois sur le contenu des arguments opposés à l'intersectionnalité et sur les façons dont ces arguments se disent, c'est-à-dire en dehors de la controverse scientifique, sans connaissance de la bibliographie de référence en matière d'intersectionnalité et dans un rapport ambigu aux politiques, mais ça j'y reviendrai dans mon exposé. Donc du fait que l'opposition à l'intersectionnalité depuis la sociologie des classes sociales est peu documentée d'un point de vue bibliographique, je vais me contenter là de vous livrer quelques pistes de réflexion qui ne sont pas le résultat d'un travail exhaustif ni achevé, mais voilà, j'espère que Enfin, pour moi, ça me permet en tout cas de mettre en ordre certaines choses que je me disais jusqu'à présent et que, que je ne m'étais pas forcée à formuler. Donc j'ai prévu de vous exposer mon propos en trois temps. Je partirai d'une définition et d'une présentation de l'intersectionnalité à partir du texte qui fait référence, donc de Kimberlé Crenshaw. Ça sera l'occasion de revenir sur le succès d'un mot qui désigne une théorie ou une perspective héritière de plusieurs décennies de réflexion dans l'espace militant et dans l'espace académique états-unien. Ensuite, dans un deuxième temps, je dirai quelques mots sur les différentes façons dont la classe sociale est ou non prise en compte dans la théorie féministe française, qui est souvent présentée à tort par les détracteurs du genre et de l'intersectionnalité comme hostile à la classe sociale. Et je dirai quelques mots aussi des objections au concept de Crenshaw qui ont été formulées dans cet espace-là. Et dans un troisième temps, j'essaierai de montrer en quoi l'arrivée de l'intersectionnalité dans le lexique des sciences sociales françaises a réactivé l'antagonisme entre les sciences sociales dites « normales », avec un accent circonflexe sur le « a », et les études de genre, parce que ces dernières, et plus encore l'intersectionnalité, mettraient en danger les classes dominées, leurs études et ceux qui les étudient. Alors, cartographie des marges, donc le papier de Kimberlé Crenshaw part d'un problème concret. Je rappelle que c'est le papier d'une juriste, c'est quelque chose qu'on oublie parfois dans le voyage transatlantique du concept d'intersectionnalité. Donc ce papier part d'un problème concret, l'inadéquation des interventions légales en direction de femmes de couleur victimes de viols et de violences conjugales, en majorité perpétrées par des hommes de couleur. Ces interventions sont jugées inadéquates par Crenshaw, du fait qu'elles sont imaginées et mises en œuvre sans prendre en compte les spécificités de l'expérience des femmes de couleur, donc qui sont situées à l'intersection de deux groupes sociaux et dès lors de deux types d'oppression à la fois distincts et conjugués. C'est le caractère unidimensionnel de l'intervention qui est critiqué, incapable de prendre en compte la spécificité des parcours d'obstacles que ces femmes rencontrent du fait de leur identité sociale intersectionnelle définie par l'intrication notamment du sexisme et du racisme. Alors Crenshaw part d'un problème juridique et de ce qu'elle appelle l'intersectionnalité structurelle pour ensuite étendre son propos à l'intersectionnalité politique. Donc qu'est-ce qu'elle entend par là ? Elle explique que dans le mouvement social, le fait de ne jamais penser à partir d'expériences situées à l'intersection de divers groupes sociaux dominés revient à exclure ces groupes de l'agenda politique, ça revient à les effacer. Et à l'effacement s'ajoute la concurrence des agendas politiques qui mettent les personnes qui sont situées à ces positions intersectionnelles dans des conflits de loyauté à l'égard de leurs deux groupes mobilisés de référence, c'est-à-dire d'un côté le groupe des femmes et de l'autre celui des hommes de couleur avec qui les femmes de couleur vivent le plus souvent. Le dilemme étant d'autant plus fort que la violence conjugale est un ressort de la domination raciste à l'encontre des hommes de couleur. Enfin, et c'est le dernier aspect important de l'article de Crenshaw, en lien direct avec ce qui précède, l'intersectionnalité vise à contrer une appréhension homogénéisante des groupes sociaux réifiés dans des périmètres définis et définitifs. Il existe dans le groupe social des femmes ou dans celui des Noirs des différences, du conflit et des rapports de pouvoir, notamment entre femmes blanches et femmes de couleur, et entre hommes de couleur et femmes de couleur. Ces rapports de pouvoir ne peuvent être identifiés que si sont reconnus et pris en compte la pluralité des oppressions et leur co-construction. Et donc du fait de ces rapports de pouvoir internes au groupe institué dans le mouvement social et dans la théorie, ce qui est dit du genre l'est à partir, je la cite, ce qui est dit du genre l'est à partir des expériences des bourgeoises blanches, ce qui est dit de la race l'est à partir de l'expérience des noirs de sexe masculin. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que l'intersectionnalité ne revient pas à ajouter les rapports de domination les uns aux autres. Il s'agit de partir de configurations spécifiques coproduites par l'interaction entre eux de différents rapports de domination. Et ça, c'est un des enjeux majeurs du texte de Crenshaw, qui rompt avec une façon mathématique de penser la multiplicité des rapports de domination, une façon qui est à l'œuvre dans une partie du Black Feminism, un corpus dont elle se réclame, selon laquelle les oppressions s'ajoutent le plus souvent les unes aux autres dans l'expérience. Ainsi que l'écrit Elsa Dorlin, je la cite, « L'analyse mathématique pose de nombreuses difficultés car elle isole chaque rapport de domination et définit leur relation de façon arithmétique. Les femmes esclaves auraient subi une oppression raciste qu'elles auraient partagée avec les hommes esclaves, en plus d'une oppression sexiste similaire à celle supportée par leur maîtresse, entre guillemets. » Donc à l'inverse, la proposition de Crenshaw, qui peut être qualifiée de géométrique, montre, je cite encore Elsa Dorlin, comment l'intersectionnalité politique des rapports de domination est une structure de la domination elle-même qui empêche ou affaiblit les discours contre le sexisme et le racisme. Alors Crenshaw annonce dès l'introduction de son texte qu'elle y privilégie deux rapports de domination seulement, le genre et la race, c'est-à-dire les effets combinés du sexisme et du racisme. Dans la continuité du black feminism, ce sont ces deux dimensions qui sont fortement privilégiées dans ce texte et qui sont au cœur de la perspective intersectionnelle telle qu'elle se déploie aux États-Unis. Si l'on entend par là un ensemble de théories qui envisagent de façon plus ou moins proche l'intrication d'une pluralité de rapports de domination en amont et contemporain des premiers textes de Crenshaw sur le sujet. Donc il y a une prééminence de ces deux axes dans la bibliographie et dans le texte de Crenshaw, qui est en partie liée à l'histoire du mouvement féministe états-unien, qui là-bas, comme en Europe d'ailleurs, s'est constitué autour de la lutte pour le droit de vote des femmes, à partir du 19e siècle, mais dont l'agenda politique s'est construit dans une société ségrégationniste sur l'opposition entre l'accès des femmes blanches au vote à égalité des hommes blancs et l'impossible accès des femmes noires à un vote dont les hommes noirs étaient eux-mêmes exclus. Et ça, c'est important à retenir, y compris pour ce qui se passe en France, cette continuité entre le mouvement féministe et la théorie féministe formulée dans l'espace académique pour comprendre pourquoi et comment c'est plutôt tel ou tel axe de différenciation sociale qui sont privilégiés dans tel lieu ou plutôt tel ou tel autre dans un autre espace, notamment en Europe, dans l'analyse contemporaine. Ceci dit, Crenshaw, comme d'ailleurs les auteurs de référence du black feminism, n'évacue pas la classe sociale de son analyse, mais elle l'évoque selon une définition plus restrictive que celles qui sont le plus souvent mobilisées dans les sciences sociales françaises. Elle fait un usage du concept de classe qui est assez économiciste, faisant seulement des apparitions ça et là dans son texte, presque toujours comme un effet non explicité du rapport de race. En prenant la prise en compte de la multiplicité des facteurs d'oppression, Crenshaw quand même opère en réalité une hiérarchisation entre eux sur le plan théorique sans réellement la thématiser. Elle a une façon de parler de la classe sans vraiment en parler, qui est aussi tributaire de la façon dont les adversaires locaux à l'adresse de qui son texte s'adresse formulent leurs propres propositions théoriques. Alors d'une part, il s'agit avec ce texte, pour elle, au moment où elle le publie et dans son pays, de repenser la racialisation des rapports sociaux dans un pays où la question raciale est centrale et largement discutée, mais le plus souvent à distance de toute prise en compte du sexisme. Et d'autre part, son propre argument fait face à des théories qui sont souvent centrées sur la pauvreté et la désorganisation sociale, bien plus que sur la classe sociale en tant que telle. Donc ce traitement de la classe sociale, qui notamment tient peu compte de ses dimensions symboliques ou idéologiques, ne caractérise pas l'ensemble assez énorme et quand même un peu hétéroclite des travaux qui se revendiquent aux États-Unis de l'intersectionnalité. Mais il est vrai que la classe est là-bas souvent moins travaillée qu'elle ne l'est ici, ce qui constitue une des raisons pour lesquelles l'intersectionnalité rencontre une résistance très forte dans la sociologie française centrée sur l'étude des classes sociales. Dans cet écart se joue notamment un effet de la traduction culturelle du terme intersectionnalité, puisque sa traversée de l'Atlantique doit être prise en compte pour comprendre les réticences locales. Et donc je terminerai ce premier point de mon exposé sur quelques mots sur la traduction en français du texte et sur sa diffusion, parce que ça a des effets en fait sur la façon bien sûr dont il est reçu ou non reçu. Donc Mapping the Margins, je vous le disais en introduction, a été traduit en français et publié en 2005 dans les Cahiers du Genre, donc c'est une revue pluridisciplinaire qui est quand même dominée par la sociologie comme l'ensemble de ce qu'on appelle un peu abusivement en France les études de genre. La traduction même du terme intersectionnalité a fait l'objet de débats au sein du comité de la revue, du fait que ce décalque de l'anglais intersectionality est en français un néologisme. Et c'est un néologisme un peu abscon, un peu technique, on ne sait jamais s'il faut mettre un seul N ou deux N, enfin il pose plein de problèmes au quotidien. Et en même temps, malgré ce caractère comme ça un petit peu technique et énigmatique, par l'image spatiale et même routière de l'intersection, le terme permet de manière assez intuitive de représenter visuellement cette situation sociale que Crenshaw veut décrire, aux marges impensées de divers groupes sociaux, parce que placé à l'endroit où ils se recoupent mutuellement. Et du coup, l'intersectionnalité, c'est pas le cas seulement en France, mais c'est le cas en France et dans l'espace francophone, apparaît comme le mot qui marche, qui s'exporte, bien mieux que les expressions qui l'ont précédé au cours des 20 années qui ont précédé l'article de Crenshaw. On peut citer par exemple l'interconnectivité des oppressions de sexe, de race et de classe, de Bell Hooks, ou le nexus de Deborah King, les systèmes d'oppression imbriqués et la matrice de la domination de Patricia Hill Collins, qui sont toutes trois des auteurs qui ont fortement marqué le black feminism et qui nourrissent la réflexion de Crenshaw, mais dont les catégories, dont les expressions pour désigner ce que désigne plus ou moins de la même façon Crenshaw n'ont jamais, ne se sont pas exportées et n'ont pas si bien fonctionné. la sociologue canadienne Sirma Bilgeux, analysant la réception qui est faite de l'intersectionnalité aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, parle de points de consensus. Et elle revient, elle aussi, comme toutes les autres personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont écrit sur le succès du mot, elle revient sur la sonorité technique et le caractère pudique du terme, beaucoup moins offensif et explicite que le triptyque sexe-classe-race, que l'intersectionnalité vient remplacer, en fait. Donc, un peu comme le genre, l'intersectionnalité est un mot poli, aux atours académiquement corrects, qui peut donner lieu à diverses réappropriations et interprétations qui lui donnent des statuts assez différents. Ça se voit dans les usages qui en sont faits. Il peut être ainsi diversement compris comme une théorie de la domination, un concept visant à restituer des réalités sociales spécifiques, un label qui regroupe un ensemble d'approches disparates qui servent plus de façon plus ou moins floue à désigner un problème. Ce qui conduit de nombreux auteurs à parler de perspectives ou d'approches intersectionnelles, faisant de l'intersectionnalité non pas une théorie ou un concept très défini, mais une façon d'envisager la pluralité des rapports de domination. Alors ces oscillations prennent place dans le contexte français au sein de débats préexistants. Évidemment, quand l'intersectionnalité arrive, elle arrive dans un espace où il se dit déjà beaucoup de choses sur les axes de différenciation et de domination sociale. En mettant l'accent sur la nécessité de penser de manière simultanée les rapports de domination, l'intersectionnalité vient en renfort des études féministes dans leur critique du monopole explicatif de la classe sociale. Qui est à l'œuvre dans de nombreuses organisations politiques et syndicales et dans une grande part de la sociologie française. Elle vient également en renfort de la reconnaissance de la race comme d'un rapport de domination crucial dans une république construite sur son invisibilisation. Elle permet également, pour ces deux raisons, de contrer les analyses homogénéisantes des groupes sociaux, quel que soit le critère retenu pour les identifier, qu'il s'agisse du genre ou de la classe, de la sexualité, etc., pour mettre au jour les conflits internes, mais sans faire de ces conflits des conflits secondaires, d'abord structurés par tel ou tel rapport de domination principal. C'est ainsi que, technique et pudique, l'intersectionnalité est néanmoins devenue un terme subversif à sa façon, donnant lieu à des tentatives d'interdiction de colloques et à de grands agacements dans la communauté des chercheurs en sciences sociales lorsque le mot est prononcé, un peu comme si le gender ne suffisait pas. Maintenant, il faut en plus parler d'intersectionnalité. Donc pour contextualiser et comprendre les réticences à l'égard d'intersectionnalité au sein de la sociologie extérieure aux études de genre, il faut d'abord que je dise deux mots sur la façon dont ces dernières mobilisent la classe sociale, parce que c'est en fait assez peu diffusé en dehors des études de genre, et sur leur propre réception de l'intersectionnalité. Alors, comme l'écrit Dominique Fougérolas-Schlebel, revenant sur l'histoire des féminismes, je la cite, « Pour un grand nombre des féministes européennes, la grande division fut entre féministes bourgeoises et féministes socialistes, ou plus exactement selon un clivage de classe. En France, l'articulation sexe-classe a été à l'origine d'une importante réflexion. Dans les années 70, la question de la priorité des luttes de classe ou des luttes de femmes est un thème récurrent des féministes et de leurs adversaires. » Donc la théorie féministe qui mobilise le matérialisme historique pour penser le sexe ou le genre est l'ensemble qui, en France, a le plus essaimé au sein des sciences sociales. C'est la théorie qui a gagné de loin dans les différentes théories du genre qui ont émergé dans les années 70. Alors, depuis une quinzaine d'années, la théorie queer est également mobilisée, mais dans des proportions bien moindres, en tout cas en sciences sociales, et de manière très controversée, alors que ce qui est désormais regroupé sous le label du féminisme matérialiste pour faire front contre le queer est considéré comme le noyau dur de la théorie féministe à la française. Cet ensemble apparaît aujourd'hui assez homogène du fait de son recours partagé à certains concepts du matérialisme historique et du fait de son opposition commune à la théorie queer, mais en réalité les positions théoriques sont diverses dans cet ensemble qui est désormais identifié comme étant le féminisme matérialiste, notamment justement en ce qui concerne son traitement de la classe sociale. Alors pour aller vite, il y a deux principales façons de thématiser ou de ne pas thématiser la classe sociale au sein de la théorie féministe française. La première façon consiste à s'y référer de manière seulement analogique, comme le fait notamment Christine Delphi, qui est l'auteur iconique du féminisme matérialiste, et c'est celle qui lui a donné son nom, et puis quelques autres sociologues qui ont plutôt développé une réflexion théorique plutôt que fondée sur un travail empirique. Pour aller vite, pour elle, le rapport de classe était et demeure un outil théorique qui permet de penser le patriarcat. Il s'agit de penser, construire et mobiliser la classe des femmes contre la classe des hommes. Les femmes sont dépossédées de leur force de travail et même de leur corps par les hommes qui les exploitent au quotidien dans la sphère privée. ce qui est mis en avant dans ce courant-là, c'est le fait que cette oppression concerne toutes les femmes, quelle que soit leur classe sociale. Et pour Delphi, il existe un ennemi principal, le texte est connu, c'est le patriarcat, et toute prise en compte de la classe sociale en dehors de la seule analogie est conçue comme une ruse pour diviser les femmes et dès lors affaiblir la lutte féministe. Et toute mention de la classe sociale dans les travaux sociologiques a pour effet de faire obstacle au genre. Bon, là, je simplifie, hein, mais en gros, c'est ça. Alors, Delphi a évolué dans ses positions, notamment suite aux affaires dites du foulard. Et son engagement pour la prise en compte des effets conjugués du sexisme et du racisme l'ont un peu sorti de son monisme théorique, mais sans donner lieu à de réels croisements avec la classe. La deuxième façon dont la classe sociale est mobilisée au sein de la théorie féministe française est à trouver du côté de la sociologie du travail, promue notamment par Daniel Kargoat. Le recours à la classe sociale dans ses écrits est également pour partie de nature analogique. Elle aussi se réfère à la classe des femmes, mais contrairement à Delphi, elle ne parle pas de genre, mais de rapport social de sexe, en référence plus appuyée encore au rapport social de classe. Pour elle, le travail est l'enjeu des rapports sociaux de sexe, comme il l'est des rapports sociaux de classe. Le travail sous sa plume, comme pour de nombreux autres sociologues féministes du travail de la même époque et depuis lors, renvoie non seulement au travail professionnel, mais aussi au travail domestique. Selon une reconceptualisation du travail par-delà les dichotomies privé-public, famille-travail, production-reproduction, qu'elle exprime en termes de division sexuelle du travail. Alors, je la cite, « Le concept de division sexuelle du travail veut désigner l'ensemble du rapport social d'exploitation qui conduit non seulement à l'appropriation du travail, observable dans le cadre de la famille et du mariage, mais aussi à l'exploitation particulière que subit la force de travail féminine sur le marché du travail. » Et d'ailleurs, l'effort d'enquête, l'effort empirique dans ce courant-là, c'est surtout concentré sur l'étude du monde du travail plutôt que sur l'espace domestique. Mais la référence de Kargoat à la classe pour penser le sexe n'est pas seulement analogique, c'est ce qui la différencie du féminisme matérialiste, même si maintenant elle fait partie du féminisme matérialiste, mais c'est une autre histoire. Dans son livre de 1982 sur les ouvrières, qui est fondateur de son travail et de nombreux qui lui ont fait suite, Daniel Kargoat étant la sociologue du genre la plus citée et la plus continuellement citée dans l'espace éditorial féministe français au cours des 20 dernières années, elle propose une articulation théorique entre le rapport social de classe et le rapport social de sexe afin de les penser ensemble. Donc produisant une théorie locale de l'intersectionnalité, enfin locale, nationale. Daniel Kargoat écrit en introduction des ouvrières, je la cite, « Sous l'ouvrière, nous ne rechercherons ni l'ouvrier ni la femme. Ces identités, elles les vivent d'ailleurs souvent comme un double destin de classe, destin de femme, qui enclos dans des limites bien étroites l'exercice de leur liberté individuelle et collective. » Mais nous partirons de ce double rapport social, rapport d'exploitation, rapport de domination, qui assigne aux ouvrières une place toute particulière, tant au sein même de leur classe sociale qu'au sein du groupe des femmes. Donc le fait d'être une femme et le fait d'occuper un emploi ouvrier ne sont pas envisagés, comme ça peut être le cas dans d'autres recherches sociologiques, comme des variables qui, en fonction de leur confrontation au regard de telle ou telle pratique, seraient plus ou moins significatives. Le rapport de classe y est toujours expliqué à l'aune du rapport de sexe et le rapport de sexe à l'aune de la classe. Daniel Kargoat évoque déjà alors, donc dans son livre de 82, l'idée de la consubstantialité des rapports sociaux, empruntant pour sa part à une métaphore théologique un peu étonnante. Bon, je ne comprendrai jamais pourquoi elle dit consubstantialité, mais elle dit comme ça. Une idée qu'elle a depuis, et notamment sous l'effet de l'importation de l'intersectionnalité en France, plus largement développée. Elle reconnaît d'une part la pluralité des rapports sociaux et leur imbrication. Dans un article de 2014, elle signale de mêmes origines entre sa propre proposition et celle du Black Feminism, sa référence en la matière étant majoritairement Angela Davis, et plus largement des approches intersectionnelles états-uniennes post-Crenshaw. Donc d'une part, elle insiste sur le fait de ne pas prendre une expérience particulière de l'oppression des femmes pour l'expérience de toutes. D'autre part, sa théorie comme celle du Black Feminism et de Crenshaw se revendique d'un ancrage dans le mouvement social et dans la nécessité de contrer la stratégie du front de lutte principal et des fronts de lutte secondaires à l'œuvre en 68 et plus largement dans les luttes sociales des années 70. Mais l'adjectif consubstantiel indique aussi le principal écart entre sa théorie et celle de l'intersectionnalité telle que proposée par Crenshaw. Selon Kargoat, je la cite, « Le rapport social de sexe est de même nature que les autres rapports sociaux, il leur est consubstantiel, même s'il a ses caractéristiques propres. Comme les autres rapports sociaux, de classe et de race, le rapport social de sexe est un rapport de production, la consubstantialité désignant l'unité de substance entre trois entités distinctes. » Donc la critique de Daniel Kargoat porte sur la validité de tel ou tel axe retenu dans l'analyse du fait de sa transversalité avérée ou non dans la reproduction sociale. Et cette critique s'accompagne de la crainte politique d'une fragmentation des identifications sociales susceptibles de dissoudre le rapport social. Là, je la cite quand j'insiste, c'est que je la cite. Ce qui l'a conduit à réduire la liste ouverte des identités intersectionnelles à 3 rapports sociaux, le sexe, la classe et la race, dont l'enjeu est, selon elle, le travail. Tout le reste, qui est souvent présent dans l'intersectionnalité telle qu'elle est mobilisée outre-Atlantique, alors notamment la sexualité, les Américaines disent toujours... actuellement, genre, classe, race, sexualité, alors que, voilà, genre, classe, race, c'est plutôt les années 80. Maintenant, c'est plutôt genre, classe, race, sexualité, et éventuellement, âge, nationalité, handicap, etc. Donc, toute cette... la liste, comme ça, indéfinie qui apparaît dans les corpus, dans la bibliographie sur l'intersectionnalité, sont considérés par Daniel Kerkouat comme ne pouvant prendre place aux côtés de sexe, race, classe, parce qu'ils seraient d'une autre nature. Donc ici, c'est une définition de la classe sociale qui sert d'étalon à tous les autres rapports de domination et d'exploitation à retenir dans l'analyse. Et donc une telle critique interne pose la question de la possibilité ou non d'inclure dans l'analyse des rapports de domination, des rapports de domination de nature différente. Et c'est un des principaux enjeux actuels du débat au sein de l'espace féministe, puisqu'à cette lecture s'oppose aujourd'hui en France une pensée de l'hétérogénéité des rapports sociaux ou de domination, en termes de configuration de pouvoir par exemple, qui ouvre sur une liste indéfinie et donc potentiellement infinie. Il s'agit à l'inverse de ne pas fermer la liste par avance, mais au contraire de favoriser, pour reprendre les mots de la philosophe Maria Puig de la Bella Casa, une prolifération salutaire des positions qui ouvre sur des coalitions en devenir, fondées sur des expériences minoritaires pour partie encore inconnues et donnant lieu à des alliances provisoires. Sirma Bilgeux, la sociologue canadienne dont je parlais déjà tout à l'heure, propose quant à elle une intersectionnalité critique et réflexive qui repose sur une interdépendance inégale des dominations selon les situations. La position de Kerkouat témoigne aussi de désaccords sur les critères de définition de ce qui relève ou non d'un rapport de production, un point qu'aborde notamment Judith Butler dans son texte « Simplement culturel » publié en français en 2000 par la revue puis la collection Actuelle Marx, 10 ans plus tard. Alors dans ce texte, Butler ne répond pas à Kerkouat, qui n'est pas une interlocutrice, mais elle s'adresse aux marxistes en général et aux féministes socialistes états-uniennes en particulier, pour revenir sur la partition des mouvements sociaux entre ceux qui relèveraient de l'économie politique et ceux qui seraient exclusivement culturels. Elle revient dès lors sur la distinction et la hiérarchisation entre les groupes sociaux mobilisés qui peuvent être considérés comme des classes exploitées et ceux qui n'occuperaient pas de position spécifique sur la carte de la répartition du travail, qui ne subiraient pas d'oppression matérielle. Alors je pense un tout petit moment sur l'argument de Butler, parce que c'est des choses qu'on retrouve après dans les réticences au sein de la sociologie française en dehors des études féministes à l'encontre de l'intersectionnalité. Donc selon elle, c'est au nom du fait qu'il serait simplement culturel qu'une partie de la gauche considère que les féministes ou les queers seraient des groupes marginaux, producteurs de divisions, et les théories féministes et queers des théories simplement culturelles. De façon comparable, une telle disqualification qui, selon Butler, révèle d'abord et surtout un conservatisme en matière de genre et de sexualité, s'opère au sein des études féministes à l'égard de la théorie queer. Donc elle parle à deux types d'acteurs dans ce texte. Elle voit dans cette entreprise de marginalisation de mouvements sociaux et de questions pourtant pleins de vitalité une amnésie sélective de l'histoire du marxisme lui-même de la part des féministes. Elle rappelle notamment l'importance accordée dans les années 70 par les féministes socialistes états-uniennes à la phrase d'Engels sur la production et la reproduction de la vie immédiate comme facteur déterminant en dernier ressort dans l'histoire. Et s'appuyant sur cet argument, elle rappelle que les féministes socialistes ont alors visé, je la cite, à établir la sphère de la reproduction sexuelle comme faisant partie des conditions de vie matérielle, aspect spécifique et constitutif de l'économie politique. Elle visait également à montrer comment la reproduction d'individus sexués, d'hommes et de femmes, dépendait de la régulation sociale de la famille et même de la reproduction de la famille hétérosexuelle. La division sexuelle du travail ne pouvait alors se comprendre séparément de la reproduction d'individus sexués, hétérosexuels. Butler plaide pour la reconnaissance du fait que le cantonnement dans l'abjection de l'homosexualité, de la bisexualité et du transsexualisme est essentiel pour comprendre, je la cite, le mode de production sexuelle et d'échange qui s'efforce de maintenir la stabilité du genre, l'hétérosexualité du désir et la naturalisation de la famille. Je reviendrai sur ces points de débat parce que, comme je le disais, ils se rejouent en dehors des études féministes. Un autre point de débat interne aux études féministes, ce sera le dernier que j'évoquerai, concernant l'intersectionnalité, a à voir avec ce qu'Elsa Dorlin identifie comme, je la cite, une hésitation entre analytique et phénoménologie de la domination. D'un côté, c'est la domination qui est en soi intersectionnelle. D'un autre côté, ce sont certaines identités, certaines expériences vécues de la domination qui sont intersectionnelles. Alors cette tension se manifeste, cette hésitation, cette tension se manifeste dans les diverses réceptions qui sont faites en France de l'intersectionnalité. On retient de l'intersectionnalité soit une certaine façon d'envisager la domination, la classe est toujours déjà prise dans le genre, la race, etc., et réciproquement de chaque axe de différenciation sociale, quelle que soit la configuration dans laquelle on analyse les effets et les manifestations de la domination. Soit ce sont certaines identités ou certaines expériences seulement qui sont considérées comme intersectionnelles parce que situées à l'intersection d'une pluralité d'oppression et dès lors tiraillées. Ce qui, comme le souligne Elsa Dorlin, revient à ne ranger dans ce profil que les super-dominés, alors même que, et je la cite encore, et j'arrêterai de la citer après ça, jouissant de certains privilèges de genre, de sexualité ou de classe ou de nationalité et ou de couleur, les femmes appartenant au groupe dominant ne se perçoivent jamais sous ces rapports imbriqués. Et par conséquent, ne faisant pas à proprement parler l'expérience de leur identité intersectionnelle, elles ont tendance à construire leur politisation sur la base d'un seul de ces rapports de pouvoir à l'exclusion de tous les autres, en dépit même du fait que leur expérience de ce rapport, par exemple le sexisme, est intrinsèquement dépendant de leur classe, de leur sexualité, de leur couleur, de leur âge, etc. De même, les sociologues Nira Yuval-Davis et Florian Antias promeuvent depuis longtemps aux États-Unis ce qu'elles appellent une intersectionnalité située, c'est-à-dire une analyse intersectionnelle de toutes les situations sociales, et pas seulement des femmes marginalisées et racisées, auxquelles l'approche intersectionnelle est historiquement liée. Elles y voient une façon à la fois de généraliser la proposition théorique soutenue par l'intersectionnalité à l'ensemble des expériences sociales, et dès lors d'y voir un moyen d'en faire un outil théorique appropriable par les sciences sociales, susceptible de produire une analyse du monde social plus adéquate, plus réaliste, et un garde-fou visant à éviter d'essentialiser et de réifier les frontières entre des identités sociales conçues comme exceptionnelles. Alors les débats au sein de l'espace féministe concernant l'intersectionnalité sont intenses et nombreux, donc là j'ai retenu que ce qui me semblait le plus saillant en France et le plus à même aussi de mettre au jour les ressorts de la réticence des sciences sociales et notamment de la sociologie des classes sociales à intégrer l'intersectionnalité dans son propre répertoire conceptuel. Donc c'est à présent ce dernier ensemble que je vais aborder. Donc en dehors, cette fois, de l'espace de la recherche féministe. Il me semble qu'on peut rassembler l'ensemble des réticences formulées de façon plus ou moins explicite à l'égard de l'intersectionnalité dans cet espace-là, donc en dehors des études féministes, en disant que l'intersectionnalité est perçue donc comme une menace pour les classes dominées, pour leurs études et pour ceux qui les étudient. Alors il y a d'abord un effet de contexte qui est important à... Je pense qu'il faut relever pour comprendre comment les choses se passent pour l'instant entre l'intersectionnalité et, pour aller vite, la sociologie des classes sociales. C'est que quand l'intersectionnalité arrive en France, en tant que label et en tant que critique adressée aux grilles d'analyse fondées sur la prise en compte d'un seul rapport de domination ou d'oppression, la sociologie française, de son côté, salue le retour des classes sociales. Ça s'est fait exactement au même moment. Donc le retour des classes sociales notamment est un titre de l'ouvrage dirigé par Paul Bouffartigue, un sociologue marxiste du travail, publié en 2001. Stéphane Beau et Michel Pialou, de leur côté, font retour sur la condition ouvrière en 1999 et leur introduction positionne l'ouvrage sur le ton de la dénonciation contre l'oubli et l'invisibilisation des ouvriers comme catégorie socio-professionnelle, toujours majoritaire au sein de la population française. Mais au cours de la décennie écoulée, notamment les années 90, il n'en était quasiment plus question dans les publications. Dans un article de 2001, lui aussi consacré au retour des classes sociales, Louis Chauvel explicite certains des ressorts de l'effacement des classes sociales dans le discours politique et dans la recherche sociologique française, parmi lesquels la diffusion de la théorie du sociologue états-unien Robert Nisbet, qui a annoncé puis décrété la mort des classes sociales dès 1959, et qui a été fortement repris dans tout un pan de la sociologie des années 80 notamment. En 2012, Frédéric Le Baron fait un nouveau point de situation, donc 10 ans plus tard, dans un article au titre lui aussi évocateur, « L'éternel retour du retour des classes sociales ». dans lequel il montre l'importance accrue dans la période récente de la prise en compte des classes sociales, notamment dans la sociologie économique occidentale, qu'il met en lien notamment avec la crise économique et financière mondiale de 2008. Et dans cet ensemble, il identifie une façon française de conceptualiser les classes sociales, qui à côté, française, c'est lui qui le dit, qui à côté des travaux de sociologues marxistes, je le cite, met l'accent sur la dimension symbolique des rapports entre classes, donc il s'agit bien sûr de la façon bourdieusienne. Ainsi, entre le début des années 2000 et les années 2010, donc exactement la période au cours de laquelle l'américaine intersectionnalité a progressivement fait son apparition dans le mouvement féministe et dans les études du même nom, la discussion est nourrie concernant le retour toujours menacé. Donc il y a aussi beaucoup d'articles sur la menace de la disparition à nouveau des classes sociales en sociologie. Voilà, donc après la disparition, le retour et la menace toujours possible des classes sociales. Le spectre de l'Amérique et de ses catégories d'analyse sociologique de droite ou libérale joue un rôle non négligeable dans l'identification des facteurs de menace et probablement joue aussi dans la façon dont est reçue l'intersectionnalité. Alors l'opposition entre les usages états-uniens de la catégorie identité et le recours au concept de classe sociale en France, notamment au sein de l'école bourdieusienne, est à mon avis une des lignes de front centrales pour comprendre le rejet dans l'intersectionnalité, mais aussi pris séparément, le genre et la race font l'objet en France. Alors, il y a un article de référence sur le sujet, d'un auteur qui a écrit plein de livres depuis que je n'ai pas encore lu, mais j'ai un peu hâte, j'avoue. Donc l'article s'appelle « Au-delà de l'identité » de Rogers Brubaker, initialement publié en 2000 et traduit dans les actes de la recherche en sciences sociales l'année suivante. Donc c'est un professeur de sociologie à UCLA qui est un des introducteurs aux États-Unis de la sociologie de Pierre Bourdieu. Alors la lecture de cet article, de ce très long article, est très instructive parce que Brubaker oppose frontalement dans ce papier toute analyse formulée en termes de « identity », qui est globalement fausse, qu'elle se formule ou non en lien avec une analyse de la domination, à celle qui mobilise la classe sociale selon une géographie opposant les États-Unis à l'Europe de l'Ouest. Donc le ton de l'article est tout entier à charge, mêlant des usages disparates de la notion d'identité, et pour ma part, je suis l'auteur à plein d'égards, par exemple quand il critique certains de ces usages qui visent à attaquer les analyses en termes de domination ou de rapport social, ou encore... On peut le suivre quand il promeut d'autres termes plus précis que le fourre-tout identité qui sert à dire un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même quelque chose de frappant dans ce papier, c'est le fait que cette opposition, en fait, et toute l'opposition qu'il nourrit contre l'identité, recoupe en fait une autre opposition, mais sans qu'il analyse lui-même ce recoupement, entre la sociologie des classes sociales, d'une part, et les sciences humaines dédiées à l'étude du genre ou de la race, puisque la partition disciplinaire n'est pas du tout la même... aux États-Unis et en France notamment concernant le genre et la race qui sont plutôt du côté des sciences humaines alors qu'en France c'est plutôt du côté des sciences sociales que la dissémination théorique s'est faite. Donc dans ce papier, sous la critique de l'identité, c'est aussi et peut-être en réalité une critique des gender ou des race studies qui est menée. D'ailleurs, l'intersectionnalité est nommée dans cette traduction et décrite en des termes tellement disqualifiants, sans faire l'objet d'une réelle critique théorique, qu'on comprend mieux, enfin en tout cas moi ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi le terme fait aujourd'hui l'objet de telles réticences, notamment auprès des lecteurs des actes de la recherche en sciences sociales, puisque le terrain était préparé pour le rejet de l'intersectionnalité avant même l'entrée du mot dans le répertoire français par le biais de la traduction de sa bibliographie de référence. Je vous cite juste un passage, donc Rogers Brubaker, « Cette sociologie identitaire, conceptuellement appauvrie, dans laquelle l'intersection de la race, de la classe, du sexe, de l'orientation sexuelle et peut-être encore d'une ou deux autres catégories, génère un assortiment de boîtes à tout faire conceptuelles, est devenue dominante au sein du champ académique américain dans les années 90. » Tout le papier est écrit comme ça. C'est un peu difficile à lire, je ne vous le cache pas. Si Brubaker oppose une analyse très détaillée des méfaits et des cacophonies des usages de l'identité, il y a une chose dans le papier qu'il ne déplie jamais mais qui la scène tout au long de l'article, c'est le fait que le genre, la race and co seraient seulement, je le cite, des attributs catégoriels particularistes, il y a 8 occurrences de l'expression dans le papier, réifiés dans l'analyse sociologique et donc desservant forcément la sociologie. C'est un implicite, ce recoupement comme ça, ces oppositions entre identité et rapports sociaux, et en fait entre la vraie sociologie et les race et gender studies, qu'on retrouve par exemple dans le texte du blog de Gérard Noiriel dont je parlais tout à l'heure, qui décrit les axes de différenciation sociale contenus dans l'analyse intersectionnelle comme des réifications, mais sans démontrer, sans jamais interroger les usages réifiants possibles de la classe sociale, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Or, une telle lecture de l'intersectionnalité, comme du genre ou de la race, opère en fait une réduction du concept à une catégorie descriptive, alors qu'en réalité, comme le genre ou la race, l'intersectionnalité s'est élaborée comme un concept critique. Tandis que la classe sociale est appréhendée dans l'opposition avec l'intersectionnalité comme un concept élaboré, complexe, capable de prendre en compte de nombreuses dimensions débattues au sein d'écoles de pensée en partie divergentes, qu'il s'agisse de la définition marxiste, de la définition weberienne, de la synthèse entre guillemets critique bourdieusienne, pour citer les principales en France, qui débouche sur la mise au jour d'antagonismes, de conflits, de hiérarchies, le genre et la race apparaissent souvent sous la plume de leurs détracteurs comme de simples catégories décrivant l'une les femmes, l'autre les noirs. Du coup, c'est sûr, c'est pas terrible à côté de la classe sociale. On retrouve cette opération de réduction dans certaines objections méthodologiques, qui ne sont pas forcément toutes sans validité, mais qui sont parfois un peu simplistes, pour dire que l'intersectionnalité est complètement incompatible avec l'empirie. Comment raisonner à partir d'autant de variables, puisque ce ne sont que des variables? Les logiciels statistiques ne sont techniquement pas capables d'être intersectionnels, et de toute façon, les statistiques ethniques sont interdites en France. L'objection empirique concerne également l'impossibilité pratique de mobiliser l'intersectionnalité pour le travail ethnographique. Faut-il écrire dans son journal de terrain et dans son compte-rendu d'enquête que l'on a rencontré au cours de son enquête des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des homosexuels, des hétérosexuels, etc. Alors s'il semble aller de soi pour les collègues de parler d'hommes et de femmes, y compris si un tel relevé ne donne finalement pas lieu à une analyse en termes de genre mais seulement en termes de variable sexe, la prise en considération d'autres dimensions de l'identité ou de l'expérience sociale semble parfois impensable pour de nombreux collègues qui ont par ailleurs tendance à décréter que l'intersectionnalité relèverait de l'incantation théoriciste, inappropriable par les sciences sociales, et qu'il n'existerait d'ailleurs pas de travaux sociologiques sérieux sur le plan empirique qui mobiliserait de façon convaincante l'intersectionnalité. Alors, à l'heure des charges, il n'est pas faux de dire que certains exposés ou articles qui promeuvent l'intersectionnalité la réduisent eux aussi à une catégorie descriptive et livrent une interprétation sociologique déduite mécaniquement des caractéristiques minoritaires des populations enquêtées. Par exemple, telle personne pense ou se comporte comme ça parce que c'est une femme, noire, des classes populaires, sans plus, dans une sorte de raisonnement tautologique qui instrumentalise le terrain pour seulement valider des présupposés déterministes. Donc en effet, il y a de très mauvais usages de l'intersectionnalité qui sont faits. L'intersectionnalité est parfois mobilisée de cette manière parce qu'elle est devenue dans certains espaces, alors pas dans les sciences sociales en dehors des études féministes, mais à l'intérieur, elle est devenue une norme de political correctness académique qui fait qu'il faut l'utiliser, quitte à en faire pas grand-chose. Mais par contre, il est assez faux et pas très honnête de réduire les usages de l'intersectionnalité à ces mauvais usages pour la discréditer, plutôt que d'en proposer une critique argumentée, alors qu'il existe de plus en plus en fait de travaux empiriques qui mobilisent à plein l'approche intersectionnelle. Mais la genèse de la majorité de leurs auteurs et le fait que ces auteurs s'inscrivent généralement dans les études de genre participent seulement à les rendre invisibles au regard des travaux dits de référence. Alors, deuxième point, au-delà du contexte, un point qui est important, c'est évidemment la reconnaissance de la centralité théorique de la classe sociale par les spécialistes de la classe sociale. Donc je ne suis pas en mesure aujourd'hui de présenter de manière détaillée, puis de toute façon je n'aurai pas le temps, les façons dont la prise en compte à minima du rapport social de sexe ou de la domination masculine s'opère dans la sociologie d'inspiration marxiste du travail ou dans l'école bourdieusienne, puisqu'il y a évidemment des façons plurielles de faire et que chacun de ces courants ne parle pas comme d'un seul homme de l'intersectionnalité. Mais il me semble que dans ces deux courants, lorsque l'un ou l'autre n'est pas rejeté, c'est-à-dire la domination masculine ou le rapport social de sexe, le plus souvent, ce qui n'est pas pensé, c'est l'articulation entre les deux, et donc ce qui fait en fait le cœur de l'intersectionnalité. Pour ce qui est de la sociologie marxiste du travail, je prendrai pour exemple le livre de Bouffartigue que je citais tout à l'heure, « Le retour des classes sociales ». Alors pas parce qu'il serait représentatif de quoi que ce soit, mais c'est un livre important et la façon dont le rapport social de sexe y est convoqué est quand même assez illustratif de positions partagées par d'autres que j'ai pu observer dans d'autres écrits. Donc le fait de lier l'analyse des rapports de classe avec les évolutions du mouvement social permet à Bouffartig, donc dès 2001, puisque ce livre date de 2001, d'avoir dans l'introduction de son livre, qui est un livre collectif, un discours positif à l'égard de la nécessité de prendre en compte le rapport social de sexe et sinon la race, en tout cas les effets des migrations postcoloniales en articulation avec le rapport de classe. En revanche, il est intéressant de noter dans ce texte un certain flou théorique sur la façon dont on peut penser cette articulation, qui en fait ne semble pas beaucoup le préoccuper, et le fait que cette nécessité prenne en réalité seulement la forme de l'inclusion de deux papiers distincts dans le livre, l'un de Marie Stripier intitulé « Immigration et dynamique ouvrière », l'autre de Sabine Fortino, qui a fait sa thèse avec Daniel Kargoat, intitulé « Rapports sociaux de sexe et classe sociale ». Bouffartig lui-même fait un chapitre au début de son livre qui fait un état de la littérature sur le concept de classe sociale, et dans cet état de la littérature, il est frappant de relever que ce qu'il présente comme une nécessité dans son introduction, donc tout articuler, tout prendre en compte, n'a manifestement aucun effet sur son propre travail de conceptualisation de la classe sociale, puisque malgré cette prise de conscience qu'il faut absolument articuler tout ça, ça ne change rien du tout à sa propre proposition théorique. Pour Bouffartig et beaucoup d'autres, le rapport social de sexe est à prendre en compte du fait que les femmes sont entrées massivement dans le salariat entre les années 60 et 90. Donc comme la réalité du monde du travail a changé, il faut en tenir compte. Ce qui certes est mieux que rien, mais reste assez en deçà des ambitions politiques et théoriques du mouvement et des études féministes, puisque ça n'est donc qu'une adaptation à ce qui se présente comme une contingence historique qui se trouve dans ce type de travail de Bouffartig ou d'autres. Alors même que le concept de rapport social de sexe est plus largement la critique féministe adressée aux syndicats, aux partis de gauche et aux sciences sociales, si elle était portée évidemment par des changements sociaux majeurs, dit bien autre chose, puisqu'il ne s'agissait pas d'entériner la présence des femmes comme si elles étaient des nouveaux acteurs de l'histoire et du salariat, mais il s'agissait de reconceptualiser le travail et la dichotomie entre privé et professionnel, au nom du fait que les femmes, au contraire, ont toujours travaillé, mais sans que leur activité soit reconnue comme un travail. Dès lors, une prise en compte du rapport social de sexe n'est pas censée être sans effet sur la conceptualisation du travail et au-delà du rapport social de classe. Mais cette dimension-là semble être assez peu reconnue en dehors des études féministes. Et du coup, l'intersection la plus travaillée en France entre rapport social de sexe et rapport social de classe est quasiment pas reconnue, en tout cas en sociologie, en dehors de la recherche féministe. Et pour le reste du monde, et c'est quand même quelque chose qui s'observe assez fréquemment, il suffit d'inclure un chapitre, un article dans un livre ou un dossier sur les femmes, et du coup l'inclusion de la problématique se fait de façon assez automatique. Et il est rarement question de penser les termes de l'articulation entre deux rapports sociaux, ni de penser ce que cette articulation fait aux outils théoriques des uns et des autres. Ce qui se lit au travers de ce non-traitement de l'articulation entre rapports de classe et rapports de sexe, c'est en fait une hiérarchisation entre les deux qui est omniprésente sans être toujours explicite dans la majeure partie des travaux de sociologie pour lesquels l'adjectif social renvoie implicitement à la classe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans les conversations ordinaires. Et du coup, ça renvoie mécaniquement tout le reste dans autre chose. Les inégalités sociales, c'est les inégalités de classe. La stratification sociale, c'est la stratification de classe. Autant d'expressions qui, même lorsque le rapport de sexe ou la race sont évoqués par ailleurs, font de la classe et du social des synonymes. Et le reste, alors soit c'est pas explicité, donc on sait pas trop où c'est, si c'est en dehors du social, ou alors c'est du sociétal, du culturel, voilà, il y a après toute une série d'adjectifs qui permet de les renvoyer dans une espèce de no man's land. La hiérarchisation des causes et des catégories d'analyse, de même que la réduction du social à la classe, sont également très présentes dans l'œuvre de Pierre Bourdieu, qui a la particularité d'avoir proposé une théorie du genre à lui. La domination masculine est probablement un obstacle majeur à la possibilité de penser dans sa filiation l'articulation des rapports sociaux, parce que sa théorie du genre est formulée de manière spécifique et surtout à part. Bourdieu n'y propose aucune articulation entre sa théorie des classes sociales et sa théorie de la domination masculine. Par exemple, il n'y a aucune mention de la classe dans le livre, à part dans deux notes de bas de page descriptives de pratiques de genre localisées dans telle ou telle classe sociale. Mais c'est totalement absent. La hiérarchie entre hommes et femmes, masculin et féminin, est pensée à côté, en plus, après. Et elle fait l'objet d'un propos très court dans lequel l'opposition entre masculin et féminin n'échappe pas à des formes de renaturalisation, sans réelle mise au travail des autres concepts centraux de la théorie bourdieusienne, qu'il s'agisse de l'habitus ou des champs, qui restent intouchés par la domination masculine. Et évidemment, cela n'est pas sans effet sur la façon dont le genre est aujourd'hui plus ou moins intégré. Et il l'est plutôt, hein, d'ailleurs, mais pas par tout le monde, à l'analyse sociologique, dans la lignée de ses propres travaux. Alors je pense que la critique de ce livre n'est pas terminée et mériterait une deuxième phase. Il y a eu une grosse critique au moment de sa publication, concernant notamment son pillage des travaux féministes et sa tendance à symétriser les situations des hommes et des femmes. Mais je pense qu'il faudrait faire une nouvelle critique du texte, mais aussi, puisque du temps a passé depuis, une revue de littérature systématique des travaux des héritiers et des héritières de l'école, pour saisir notamment en quoi ce livre et nombre de ses appropriations permettent ou empêchent de penser l'imbrication du genre et de la classe sociale, alors même qu'au sein de la discipline sociologique, on pourrait imaginer des hybridations, et d'ailleurs certaines le sont déjà, dans l'école ou en dehors, d'hybridations théoriques qui permettraient d'articuler sa conception de la classe sociale avec une conception du genre qui soit autre que celle de la domination masculine. Alors un autre problème qui ne facilite pas l'intégration de l'intersectionnalité dans la sociologie des classes sociales françaises a à voir évidemment avec la race, et de diverses objections sont opposées à ce mot, même seulement sans même parler du concept de race tel qu'il a été problématisé aux États-Unis. Alors je retiendrai trois principaux problèmes que la prise en compte de la race pose à de nombreux sociologues français, en dehors de ses origines états-uniennes, bon, ça qui ne le servent pas de toute façon, mais c'est pas très intéressant d'en parler très longuement. Le premier problème à avoir, ainsi que l'explique à nouveau Elsa Dorlin à la suite de Paul Gilroy, avec le bannissement hors d'Europe du mot et de l'idée de race à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le recours à la race comme catégorie érudite participe involontairement au retour du vocabulaire de la race et donc tente à renaturaliser, à confondre l'analyse en termes de race avec une rhétorique de la naturalisation. La fréquente opération de réduction du concept à une catégorie descriptive dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la déconnexion de la réception de la race avec sa généalogie critique, rend d'autant plus difficile d'envisager son usage autrement que comme une menace renaturalisante. Donc ça, évidemment, c'est un obstacle majeur, pas seulement en sociologie d'ailleurs. La seconde objection tend à subsumer les effets du racisme sous les effets du rapport de classe. En réalité, sont racisées les personnes de couleur appartenant aux classes populaires, ou bien l'essentiel des problèmes rencontrés par ces personnes sont en réalité des problèmes de classe. Une autre objection, proche de celle-ci, que j'ai plutôt entendue en sociologie du travail, consiste à dire que la race, contrairement à la classe, ne serait pas transversale ou ne relèverait pas d'un rapport de production qui permettrait de l'envisager à égalité de considération que la classe sociale. Donc là, on retrouve en fait le même type d'argument que celui que Daniel Kergoat oppose, non pas à l'encontre de la race, puisque la race, elle l'inclut, mais à l'encontre de l'ouverture du triptyque sexe-classe-race à d'autres types de domination systémique. Et c'est dès lors la centralité du rapport de classe, toujours menacée d'être relativisée, notamment sous l'effet de revendications dites identitaires issues des nouveaux mouvements sociaux qui est mise en avant. On retrouve par exemple ça dans Repères pour résister à l'idéologie dominante, publié par Gérard Mauger aux éditions du Croco en 2013. Je citerai pas son texte, ça, pour avoir le temps de finir tout le reste de ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on retrouve encore dans le texte de Gérard Noiriel et bien d'autres, le texte auquel je me référais en introduction. Le troisième type d'objection tient cette fois à des effets jugés négatifs de la prise en compte conjointe du genre et de la race. Les sociologues des classes sociales tentent à voir dans l'intersectionnalité non seulement un risque de relativisation du rapport social de classe, mais une arme possible de retournement contre les hommes des classes populaires, puisque de noirs ou de personnes racisées, il est rarement question. Ces hommes des classes populaires, dans une perspective intersectionnelle, ne sont en effet plus seulement envisageables comme des individus dominés, mais comme des hommes dominés en position de dominer eux-mêmes. C'est ce qu'explique Christelle Hamel, une des premières sociologues françaises à avoir travaillé sur ce qu'elle appelait au début des années 2000 l'intrication des rapports sociaux. Elle ne connaissait pas encore le corpus du Black Feminism et ni les propositions intersectionnelles qui n'avaient pas été traduites encore en français. Mais elle raconte les réactions de ses collègues, notamment des hommes spécialistes de la classe sociale, à ses travaux sur les viols collectifs, accusés de faire le jeu du racisme contre les hommes d'origine maghrébine. Et comme Philippe Bourgois, à propos des hommes violeurs de son enquête sur le business du crack à New York dans les années 90, elle a finalement décidé de parler de ces viols collectifs. Bourgois a en effet inclus dans son compte-rendu d'enquête des extraits de conversations dont il a été témoin sur son terrain entre des hommes violeurs dont certains étaient devenus des amis au cours de l'enquête. Et c'est là, à mon avis, une autre difficulté qui tient cette fois au travail empirique. Au moment d'écrire sur les gens que l'on a rencontrés en face à face, que l'on a côtoyés pendant de longs mois, voire des années, lorsque ce travail est ethnographique, on ne se sent pas seulement une responsabilité politique à leur égard, du fait qu'ils appartiennent à des groupes sociaux dominés, on est susceptible de trahir la confiance qu'ils nous ont personnellement donnée, au nom de la prise en compte de la pluralité des rapports de domination, qui oblige en fait à ne pas taire des scènes observées dans lesquelles ils jouent un mauvais rôle, et dont la description peut se retourner contre eux, et on sait que ça peut se retourner contre eux. Or, certains sociologues, contrairement à Bourgois, semblent ne pas voir d'autres solutions pour éviter l'instrumentalisation classiste ou raciste à l'encontre de certains hommes que de taire les violences de genre ou de sexualité, qui ne sont pourtant pas indolores, mais qui concernent d'autres personnes que celles qui sont au cœur de leur propre sociologie. Il est vrai que l'intersectionnalité, ce sera mon dernier point, est un peu difficile à digérer, parce qu'elle adresse aux chercheurs une critique sur le plan théorique formulée en termes de manque ou d'oubli. Alors déjà ça, c'est jamais très agréable, mais surtout elle les accuse d'exclure de leurs objets de recherche des expériences de la domination que de ce fait, ils ou elles participent à reproduire en ne les reconnaissant pas comme des questions qui comptent. D'une façon générale, l'intersectionnalité pose d'abord problème aux personnes qui ne se pensent pas comme vivant une position intersectionnelle, très majoritaire dans nos métiers, ainsi que l'écrit Crenshaw pour son cas général à elle. Les hommes de couleur et les femmes blanches sont rarement confrontés à cette dimension intersectionnelle particulière de la dépossession qui oblige l'individu à cliver son énergie politique entre deux projets parfois antagonistes. Le fait de ne pas occuper soi-même une position identifiée comme intersectionnelle est d'autant plus forte pour les hommes qui constituent la moitié des sociologues français aujourd'hui, près des deux tiers parmi les rangs A, mais la moitié si on prend tout le monde, et la quasi-totalité d'entre eux sont blancs, ce qui n'est pas sans... ce qui évidemment agit sur leur réception, ou plutôt leur non-réception de l'intersectionnalité. En même temps qu'elle est énoncée, l'injonction à penser de manière intersectionnelle fait apparaître les privilèges sociaux dont jouissent la majorité des personnes à qui elle s'adresse, hommes ou femmes universitaires et donc bourgeois, le plus souvent blancs, hétérosexuels, etc. Il aurait été difficile d'imaginer que ça ne leur pose pas problème, que ça ne nous pose pas problème. Et en faisant cela, en adressant et en mettant au jour ces privilèges, l'intersectionnalité se revendique de l'épistémologie du positionnement féministe, encore appelée épistémologie du point de vue situé ou standpoint, qui est fondée sur la reconnaissance des effets sur les contenus savoir, de la position sociale du sujet de savoir, et plus spécifiquement, des effets de ses expériences, de ses propres expériences de la domination sur le savoir qu'il produit. Cette épistémologie est fondée sur le moment historique de l'entrée des femmes dans les lieux de savoir, qui était en lutte politique pour rendre cette entrée possible, et qui a permis que les femmes en général deviennent sujets et objets de savoir des sciences sociales. Selon l'anthropologue américaine Lila Aboulougod, la recherche féministe est particulièrement à même d'interroger la relation entre sujet et objet de savoir parce qu'elle repose sur la critique de la perception des femmes par les hommes savants comme des autres naturalisés. Selon elle, les anthropologues féministes ne peuvent pas faire aisément abstraction de l'enjeu du positionnement contre la croyance commune des autres anthropologues en la possibilité d'adopter une posture d'extériorité qui est qualifiée aussi par l'historienne des sciences américaine Donna Haraway de truc divin, God trick, qui consiste à voir tout depuis nulle part. La prétention à la neutralité conduit à une objectivité que la philosophe Sandra Harding qualifie de faible, se déclarant à distance et en rupture axiologique avec le reste du monde social, un savoir prétendument neutre s'autoproclame au-dessus de tout soupçon, alors qu'il a fait la preuve des décennies durant de son incapacité à restituer la vie de la moitié de l'humanité, entre autres parts oubliée. A l'inverse, donc ça j'essaie de vous donner quelques mots sur le positionnement féministe. Harding défend l'idée selon laquelle un savoir intéressé est capable d'engendrer une objectivité forte et des résultats moins faux. Les féministes ont produit et produisent des connaissances nouvelles en incluant des vies qui, jusqu'à ce qu'elles en parlent dans leurs travaux, n'étaient pas problématisées et se trouvaient dès lors exclues du savoir légitime parce que leur regard s'est formé dans des expériences inconnues de la plupart des savants. Et en fait, c'est ce que l'intersectionnalité adresse aussi aux savants en général, cette idée qu'il faut réfléchir à partir de vies marginalisées, c'est-à-dire exiger des sciences une ouverture constante aux positions, aux visions minoritaires. Donc adopter le positionnement féministe, qui est adopté aussi dans la recherche intersectionnelle, implique pour les chercheurs d'admettre que c'est souvent d'abord en raison des contraintes sociales qui pèsent sur leur propre vie qu'ils ou elles formulent leurs problématiques. Ce faisant, ils et elles visent à répondre à ce qui est un problème pour eux. Et donc, ce qui ne fait pas problème n'est pas un problème et ne devient pas une problématique. Donc, dans ce cadre épistémologique-là, il n'y a pas d'appel à la sublimation scientifique, comme le fait de son côté Pierre Bourdieu. Pas de regret que des savoirs extérieurs au champ scientifique puissent s'importer en son sein, puisque c'est dans le mouvement social et dans la conscience collective et individuelle de l'existence d'oppressions, plus ou moins multiples, que se forgent et gagnent à se forger les objets de recherche. Alors ça signifie pas que les liens entre mouvement social et recherche universitaire, ou que l'ouverture aux voix minoritaires soit conçue comme des gages de renouvellement critique des théories dominantes. En revanche, la séparation étanche entre ces mondes et la surdité à ces voix apparaissent comme des conditions qui favorisent l'exclusion du monde académique de personnes et d'objets placés hors savoir parce qu'ils sont en réalité hors normes. L'ancrage de l'intersectionnalité dans l'épistémologie du point de vue situé la dessert ainsi à deux niveaux. Si cet ancrage est un gage de validité et de radicalité pour les chercheuses féministes, jusqu'à devenir une norme qui entraîne des usages plus ou moins affaiblis, cet ancrage de l'intersectionnalité apparaît au contraire comme un défaut ou un danger, celui de la politisation pour les tenants de l'autonomie de la science. Mais ce n'est pas tout. Du fait que l'intersectionnalité est portée par des intérêts qui ne sont pas les intérêts des hommes de science, et alors que ces derniers ne se pensent pas comme des hommes mais comme des scientifiques sans sexe et sans couleur, elle est affaire de marge, dont ils ne conçoivent pas qu'elle puisse compter autant que ce qui compte vraiment à leurs yeux, la classe sociale, dont ils sont de simples commentateurs ou des critiques au service des classes dominées. Ne reconnaissant pas leur propre positionnement, déniant ou minorant la part politique de leurs théories et de leurs interprétations, ils tentent à délégitimer l'intersectionnalité, de même que le genre et la race, au nom de son contenu politique, mais ne craignent pas, dans le même temps, d'en contester les effets politiques au nom de la défense des classes dominées. On retrouve ça, par exemple, dans le livre de Gérard Mauger que je vous citais précédemment, qui qualifie de clivage perpendiculaire aux classes sociales les marges. Le clivage perpendiculaire, c'est perpendiculaire, quoi. Et donc, ce qui est perpendiculaire, c'est ces marges qui sont défendues par les études postmodernes. Donc ça, c'est une autre injure académique, bien sûr, qu'on pourrait redéplier. Mais donc les études postmodernes consacreraient toute leur énergie à ces marges perpendiculaires aux classes sociales, à la faveur d'une éclipse prolongée de la classe ouvrière. Bon, donc ça, ça. Cette idée-là est également omniprésente dans l'article de Rogers Brubaker dont je vous parlais tout à l'heure sur l'identité, qui, reprenant la distinction de Bourdieu entre catégorie pratique et catégorie analytique, range le genre et la race dans la première espèce, sont des catégories pratiques, donc ça ne peut pas accéder au statut de catégorie analytique. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un usage stratégique ou un effet stratégique de ces formes de dénégation, mais ce qui m'apparaît très fortement, et je trouve de façon plus aiguë encore dans la période récente, c'est que le fait de ne pas se positionner clairement au regard de l'articulation entre savoir scientifique, théorie et politique permet à ces auteurs de répondre par des arguments politiques quand il s'agit de discréditer les arguments de la position intersectionnelle au motif qu'il s'agit d'une position qui diviserait la classe, ou par des arguments scientifiques quand il s'agit de discréditer l'ancrage politique revendiqué de l'approche intersectionnelle. Et en fait, dans de nombreux textes, ça navigue entre les deux, quoi. Dès que c'est la science qui est mise en avant, c'est discrédité au nom de la division des dominés, et dès que la dimension politique de l'analyse intersectionnelle est mise en avant, alors c'est pas de la science, c'est pas de la bonne science, ça sort des objets scientifiques, mais dans tous les cas, l'intersectionnalité a tout faux. Je vais finir dans une minute pour conclure. Je voudrais conclure sur l'âge et les héritages. L'intersectionnalité est beaucoup plus mobilisée, semble-t-il, par les entrants que par les chercheurs installés du fait de son apparition récente dans le lexique français des sciences sociales, du fait aussi peut-être de son ancrage politique explicite, de son inclusion du racisme dans les questions qui comptent dans un contexte français qui à la fois dénie l'existence du racisme, à la fois voit apparaître de façon de plus en plus aiguë la critique de ce déni dans le mouvement social contemporain. Quand on fait un rapide comptage sur thèse.fr, on trouve 26 thèses actuellement identifiées au mot-clé intersectionnalité, et le plus souvent, ce sont des thèses en cours plutôt qu'achevées, et aucune n'a débuté avant 2012. Donc ça dit quelque chose évidemment de, la jeunesse de l'intersectionnalité en France. La nouveauté que constitue l'importation de l'intersectionnalité est le fait qu'elle soit surtout privilégiée par les plus jeunes du champ des sciences sociales françaises, sont perceptibles également dans le recours à la mode pour la disqualifier. Alors on pourrait considérer la convocation de la mode comme un des indicateurs de la disqualification académique de toute théorie émergente, de toute façon, qui remet en cause l'existant, et donc ce à quoi tiennent les générations antérieures. Ceci dit, à cet égard, les sociologues de la classe sociale n'ont pas l'apanage de la disqualification, puisque les féministes le font aussi, alors même que leur propre concept est en permanence dénigré au nom du fait qu'il serait à la mode. Puisque bien sûr, il n'est pas besoin ni d'être dominant, ni même ancien dans l'espace académique pour convoquer ce type d'argument, l'argument de la mode, il suffit de partager les intérêts, dans tous les sens du terme, en tant qu'héritier de ceux et celles qui dévaluent des idées qualifiées de faussement nouvelles ou forcément vouées à disparaître comme tant d'autres avant elles. Mais la disqualification n'est pas toujours aisée, et c'est là qu'il y a une forte tension, et que c'est peut-être pour ça que ça se tend particulièrement là récemment. Il y a une tension en fait dans le label flou de l'intersectionnalité qui est devenu, parce que l'intersectionnalité est devenue au cours des dernières années une ligne de front entre le pouvoir d'État et la communauté scientifique. Notamment les embûches qu'ont connues l'organisation de divers colloques, le plus célèbre d'entre eux étant celui qui avait été organisé par l'ESPE de Créteil, intitulé « Penser l'intersectionnalité dans les recherches en éducation, enquête, terrain, théorie », dont l'affiche notamment a fait beaucoup jaser. Ce colloque a été menacé d'aliénation par le rectorat et la présidence de l'université de Créteil, sous la pression notamment de groupes et de personnalités d'extrême droite. Et du coup, ce type d'opposition rend les lignes d'affrontement au sein de la communauté scientifique moins définitives, puisque se ranger contre l'intersectionnalité peut apparaître comme une trahison politique et professionnelle auprès d'alliés qui se positionnent comme critiques des débats publics mainstream et du discours officiel de la République. Et du coup, cette tension se manifeste dans la résistance à inclure l'intersectionnalité dans les outils critiques partagés, mais aussi dans une normativité, une sorte de morale selon laquelle ne pas le faire reviendrait à céder à des adversaires plus éloignés et plus puissants. Voilà, je vous remercie.